Yuma, chapitre 6. Qu'y a-t-il, mon fils ? Dit Monsieur des Rivières à Gabriel, qui avait demandé à lui parler en particulier. Mais le commandeur demeurait silencieux et tournait nerveusement entre ses doigts son grand chapeau de paille. « Maître, commença-t-il timidement, moin mein libon ou... »« Yuma ? » demanda Monsieur des Rivières surpris. « Mais oui, maître. » « Et Yuma consentait à t'épouser ?»« Mais oui, maître !» Monsieur des Rivières ne répondit pas de quelques instants. Il n'avait jamais songé à la possibilité d'un mariage entre Gabriel et Yuma, et l'aveu de Gabriel lui causa presque un choc. Le commandeur était certainement un des plus beaux hommes de sa race. Il était jeune, travailleur, intelligent. Pourtant, il ferait un bien rude mari pour une fille élevée comme Yuma. Sans doute, elle n'était qu'une esclave sans instruction, mais elle avait reçu une éducation domestique qui lui donnait une supériorité bien marquée sur les autres femmes de sa classe. Elle avait également des qualités morales infiniment plus raffinées que celles de Gabriel. Et puis, surtout, elle avait été la compagne d'enfance d'Aimée et ensuite son amie plutôt que sa servante. Elle se ressentait encore beaucoup de l'influence d'Aimée. Elle avait dans ses manières et sa pensée quelque chose des manières et de la pensée d'Aimée. Non, Madame Perronnette ne voudrait jamais entendre parler de cette union. L'idée même la révolterait comme une brutalité. Maître, je sais que Yuma appartient à Madame Perronnette, dit Gabriel en faisant tourner le bord de son chapeau bâcoué encore plus vite. Mais je pensais que vous aimeriez faire quelque chose pour moi. Le planteur sourit à ces paroles. Il avait souvent exprimé à Gabriel le désir de le voir se marier. Et avait même promis de lui faire un beau cadeau de noces dès qu'il aurait fixé son choix. Mais Gabriel ne paraissait nullement pressé de choisir. Puis on apprit que tandis qu'il demeurait indifférent aux filles danses marines, il avait l'habitude de faire des visites furtives à une propriété voisine. Monsieur des Rivières s'y rendit en personne, afin de découvrir qui était l'objet de ses visites. C'était une belle griffonne, et, voulant faire une surprise agréable à Gabriel, il acheta cette fille pour 1500 francs et la ramena avec lui. Mais dès l'instant où elle appartint à la plantation, Gabriel ne lui témoigna plus la moindre attention. Dans son fort intérieur, il avait été froissé de l'intervention de son maître, et pourtant, malgré cet incident, il lui paraissait tout naturel de supplier maintenant Monsieur des Rivières d'acheter Yuma pour lui. Le planteur ne se fâcha point, l'aventure l'amusait. Il estimait beaucoup Gabriel et le comprenait bien. C'était une nature impatiente de toute autorité, mais capable d'en exercer une très grande. Comme commandeur, il était inappréciable. Comme travailleur, il eût été impossible à diriger. Son propriétaire précédent, un petit blanc, avait été ravi de le vendre, en assurant sincèrement qu'il était bougon, incorrigible et dangereux. « Je ne puis acheter Yuma pour toi, mon fils, » dit Monsieur des Rivières doucement. « Elle n'est pas à vendre. Madame Perronnette ne la vendra à aucun prix, même pas à moi. Mais demain je vais à Saint-Pierre. Je demanderai à ma belle-mère si elle consente à ce que Yuma t'épouse. C'est tout ce que je puis pour toi. » Gabriel cessa de faire tourner son chapeau. Il demeura quelques instants silencieux, les yeux baissés, et son visage prit une expression sinistre. Il n'avait jamais songé que le sort de Yuma pût ne pas dépendre de la fortune et de l'influence de Monsieur Desrivières. Et sa pensée fut momentanément assombrie par le soupçon que les assurances du planteur étaient peut-être fausses. Puis il releva la tête, salua Monsieur Desrivières et se retira en murmurant d'une voix rauque « Merci, maître !» C'est Yuma qui souffrira le plus, songea Monsieur Desrivières en le regardant s'éloigner.